Des yeux qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa blouse. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Je suis